vécu Masters brusque changement de climat, il n'y a pas très longtemps on pensait que les variations de climat avaient pris fin avec l'époque glaciaire du Quaternaire, époque que l'on faisait d'ailleurs remonter à des centaines de milliers d'années. Dans l'histoire du climat et en géologie, on considérait, comme fait établi, que la Terre n'avait pas connu de changement climatique sensible, notable, durant la période dite récente, après la dernière glaciation. Or, en 1910, au Congrès géologique et international de Stockholm, les scientifiques durent faire face à des faits qui montraient que d'importants changements et des fluctuations catastrophiques avaient eu lieu au cours des derniers millénaires. Et depuis cette conférence, nous avons assisté à, pourrait-on dire, un notable revirement de situation. Nombre d'ouvrages furent publiés au sujet des récents changements climatiques et géologiques. À quoi se résumait l'histoire ? Dans beaucoup d'endroits, les terres actuelles étaient immergées, et d'autres s'étendaient là où se trouvent aujourd'hui les mers. On a par exemple constaté des changements dans la population des mollusques marins et dans celle des forêts, submergées, ce qui prouve que la mer du Nord et la Baltique avaient pris leur place respective pendant la période récente. Grâce à des explorations dans divers pays et à des recoupements, on a pu démontrer que la période glaciaire n'était pas si lointaine qu'on première disait et qu'en fait, la géologie post-glaciaire de l'Europe avait partiellement coïncidé avec l'histoire de l'Égypte ancienne. Deux changements radicaux de climat, des cash masturiens, ont eu lieu pendant la période récente. On situe le premier, particulièrement brutal, au cours d'une subdivision appelée le subboréal. Ce climat turc est assigné au milieu du second millénaire avant notre ère, 1500 avant J.C. La seconde catastrophe climatique a pris place pendant le 8e siècle, après 800 avant J.C., date on ne peut mieux comprise dans les temps historiques. Au début de la période de climat inchangé, a été de plus en plus avancé vers l'an zéro à cause des attaques des géologues et aujourd'hui, pour la plupart des auteurs qui se consacrent au sujet, il ne se situe plus qu'à quelques siècles avant Jésus-Christ. Cette nouvelle façon de voir était due à Axel Blitt, scientifique norvégien dont les travaux commencèrent vers 1870 et furent poursuivis par deux autres scientifiques scandinaves, Gunnar Andersson et Rutger Sernande. Cela explique pourquoi la Scandinavie et les mers environnantes ont été les premières à être étudiées. Dans cette péninsule, le second climasture a marqué la fin de l'âge du bronze. Les siècles suivants ont offert un tableau de misère et de désolation dû au changement de climat. Une extraordinaire pauvreté a remplacé une opulente abondance. L'évolution de la flore, observée dans les pollens des végétaux des anciens marais, évoque aussi l'image d'une soudaine tragédie climatique. La détérioration du climat dut avoir un caractère catastrophique, écrivit Sernande, dont le laboratoire à l'université d'Uppsala est maintenant un centre de recherche sur l'histoire du climat. Il qualifia divers fimbules cette période de grand changement. L'expression venait d'une fameuse épopée nordique, Yedda. Dans ce livre, divers fimbules désignaient des chutes de neige, hiver comme été, sans interruption pendant des années, à la frontière du 8e et du 7e siècle. Jekosina, dans Manu, Zetskrif fur Vorgeschicht, 1912. 4, page 418. Les perturbations climatiques du 8e et du début du vif siècle avant notre ère n'ont pas uniquement pris la forme d'une simple chute de température. Selon Sernander, l'effet dévastateur de la fimbule fimbul sur la culture des pays nordiques a autant été causé par une chute des températures que par des oscillations des variations et une instabilité du climat. Cependant, il insista aussi sur le côté catastrophique du déclenchement, comme le firent d'autres auteurs, Jekosina, par exemple, situa le climasture vers 700 avenue. J.C. et souligna qu'il était survenu avec la rapidité d'un cataclysme. Les anneaux des arbres, les cercles concentriques, qui apparaissent sur la courbe d'un tronc d'arbre, nous révèlent la croissance annuelle, rapide, lente, voire nulle, de l'arbre et son âge. Les plus vieux arbres connus sont les séquoias de Californie, certains font 27 mètres de circonférence. Le plus ancien est né en 1300 avenue. J.C., nous ne parlons bien évidemment que des arbres qui ont été abattus, et dont on a pu compter les anneaux, contrairement à celui qui a été baptisé Général Sherman dans le Sequoia Park, un des parcs nationaux de Californie. Il semble donc qu'aucun de ces conifères n'ait survécu à la grande catastrophe de 1500 avenue. J.C., ils se défendent pourtant grâce à leur écorce épaisse de 60 cm, qui les protège du feu presque aussi bien que l'amiante. Pour ne pas succomber à cette catastrophe, ils auraient dû résister aux ouragans et aux ras de marée, vivre dans un monde sans soleil, et sous les nuages de poussière, qui ont assombri la terre pendant des années. Mais ceux qui sont nés vers 1300 avenue, J.C. nous montre les perturbations climatiques qui ont sévi sur Terre, si nous en croyons l'analyse des pollens, au 8e et au début du vif siècle avenue. J.C. Selon les données historiques citées dans Monde en collision, les dates mémorables sont 747, 702 et surtout 687 avenue. J.C. L'Institut Carnegie a publié en 1919 un graphique établi par A. E. Douglas, alors directeur de l'Observatoire Steward, qui a étudié les anneaux d'arbres, afin de découvrir l'activité solaire passée. En fait, ce graphique révèle un emballement des variations dans la croissance des arbres autour de 747 avenue. JC, la datation par les anneaux est approximative, on constate aussi un pic anormalement haut pour les dernières années du 8e siècle et pour le début du 7e siècle avenue. JC, après un pic record d'une durée de 6 ans, il y a une baisse subite en 687 avenue. JC, les bouleversements naturels extrêmement violents ont détruit la plupart des forêts, mais les arbres qui ont survécu au climat turc des 8e et 7e siècles, ouragans, inondations, laves, feux, ont connu une croissance tantôt accélérée par une plus forte proportion de gaz carbonique dans l'air, tantôt contrariée par les nuages de poussière. Ils ont bénéficié de l'addition de cendres dans la terre. Enfin, il faut tenir compte d'éventuelles stimulations par des décharges électriques dans l'atmosphère ou par des tempêtes magnétiques, de l'action du feu sur les feuilles, des changements dans la composition de l'eau du sol et des modifications climatiques en général. En résumé, il faut s'attendre à de fortes variations dans la taille des anneaux lors des grandes catastrophes naturelles, et c'est particulièrement net, sur ceux des séquoias aux environs de 747, 702 et 687 avenue, JC, et de façon plus générale pendant le 7e siècle. Les habitations lacustres à la fin de l'âge de pierre, vers 1800 avant l'ère chrétienne, il existait en Europe des cités lacustres où l'homme vivait avec ses animaux domestiques à l'abri des bêtes sauvages. NDT, cet adjectif allemand peut signifier remarquable, de mercant, remarqué, mais aussi curieuse, voire étrange. Elles étaient construites sur des poteaux en bois fichés dans le sol, des pilotis. On en découvrit les vestiges sur les bords des lacs en Scandinavie, en Allemagne, en Suisse et dans le nord de l'Italie. Au milieu du deuxième millénaire, 1500 avant JC, une inondation catastrophique a envahi ces villages et les a recouverts de boue, de sable et de dépôts calcaires, les rendant tous inhabitables. Aucun n'a été reconstruit pendant 3 ou 4 siècles. Mais vers 1200 avenue JC, de nouveaux ont été édifiés, soit en haut des anciens, soit sur d'autres terrains. L'Europe avait déjà atteint l'âge du bronze, des objets de ce métal y ont été découverts. C'est suivi une deuxième période de prospérité d'environ 4 siècles. Mais au 8e siècle avenue JC, entre 800 et 700 avant JC, un nouveau sinistre a ravagé les cités des lacs de toute l'Europe centrale et du Nord, c'était encore une inondation catastrophique avec de la boue, et du sable recouvrant tout. Cette fois-ci, les habitations n'ont jamais été reconstruites, et l'homme a définitivement abandonné les lieux. À deux reprises, d'abord à la fin de l'âge de pierre, néolithique, puis à la fin de l'âge du bronze, les cités lacustres avaient été balayées par l'eau et enfouies sous la boue. La coïncidence de leur destruction avec la fin des périodes culturelles fut qualifiée de Mercurdi, remarquable, par Hichek qui pour sa part étudia le lac de Bienne, et de Ratzelaff, énigmatique, par Ennert qui lui s'intéressa au lac de Constance. Mais tous les scientifiques, qui par la suite travaillèrent sur le terrain, pensèrent que ces inondations étaient dues à deux catastrophes naturelles, dans le centre et le nord de l'Europe, l'une vers la fin de l'âge de pierre, et l'autre peu avant l'âge du fer. On estime aussi généralement, que les catastrophes se sont accompagnées de grands changements climatiques soudains, des climats sturiaires. Les scientifiques fixent la date du premier à environ 1500 avenue JC, voire entre 1800 et 1400 avenue TC, et situent le second au 8e siècle avenue TC, voire au 7e. H. Gammer Nordagen firent une étude approfondie des lacs et des marais d'Allemagne et de Suisse, et publièrent sur le sujet, un ouvrage désormais classique. On y apprend que non seulement ces lacs ont connu des inondations catastrophiques, mais qu'en plus ces catastrophes ont été accompagnées ou causées par des mouvements tectoniques très puissants, le tout au milieu du deuxième millénaire et au 8e siècle avenue. JC. Ces lacs ont brusquement perdu leur position horizontale, une extrémité s'est inclinée vers le haut, l'autre vers le bas, et aujourd'hui on peut voir que la marque de l'ancienne rive est oblique par rapport à l'horizon. C'est le cas pour la Mersey et le Wurmsee sur les avant-monts des Alpes bavaroises, et pour d'autres lacs à la lisière des Alpes. Le lit du lac de Constance s'est lui aussi incliné, et son niveau s'est élevé de 9 mètres. Des marques penchées de rives ont aussi été découvertes loin des Alpes, en Norvège, par Bravé et Hansen, en Suède, par De Geer et Sandegrand, et toutes dataient de la même époque. Certains lacs, comme l'Essé et le Federsee, ont subitement été vidés de toutes leurs eaux suite à cette inclinaison. Dans les Alpes bavaroises, la vallée de l'Isar est violemment partie en trombe à une époque très récente. Au Tyrol, dans la vallée de l'Inn, le fait que les rivières aient connu de nombreux changements de lit est révélateur de mouvements tectoniques à grande échelle. Tous les lacs qui ont été étudiés dans les Alpes suisses, dans le Tyrol, dans les Alpes bavaroises et autour du Jura, ont été inondés à deux reprises par une crue catastrophique, Hochwasser catastrophe, causée par des mouvements tectoniques et par la fonte soudaine des glaciers. Cela a eu lieu pendant la période post-glaciaire, en des temps historiques, peu avant que les Romains ne commencent à se répandre dans ces régions 406. Gammer Nordagen ont également présenté des travaux approfondis, montrant que ces troubles tectoniques, suivis de crues, se sont aussi accompagnés de modifications climatiques. Ils entreprirent un examen minutieux des tourbières. Les pollens qu'elles recèlent, différents selon les essences, permettent de savoir quel genre de forêt ou de flore poussait à tel moment, et par conséquent de déterminer le climat qui régnait. Or, les pollens révélèrent un changement radical des conditions de vie, et non pas une lente formation des marais W. Le sapin est descendu des hauteurs où il avait grandi, en laissant la place vide, et est venu remplacer le chêne. Pendant l'âge du bronze, passé par l'école alpin était monnaie courante, beaucoup d'objets en bronze antérieurs à 700 avenue. J.C. ont été découverts, en particulier sur le Saint-Bernard, des mines étaient aussi exploitées dans les Alpes à cette époque. Mais avec l'avènement du climat Sturi, les mines ont tout à coup été abandonnées, les cols ont cessé d'être fréquentés, et la région a été désertée, comme si toute vie ici était éteinte. Un tableau chronologique mettant en parallèle les résultats des études de la flore et des découvertes archéologiques fut dressé, il montra, une fois de plus, que l'Europe centrale et la Scandinavie ont connu deux épisodes climatiques dramatiques au milieu du deuxième millénaire et aux environs des 8e ou 7e siècles avant notre ère. Ainsi, deux fois au moins pendant la période suboréale, comprise entre 2000 voire 1500 avant J.C. et 800 ou 700 avant J.C., des catastrophes tectoniques, climatiques et des inondations phénoménales ont bouleversé une vaste zone située entre la Norvège et les Alpes, en passant par le Jura et le Tyrol, s'engouffrant dans des vallées, inclinant les lacs, transformant les forêts en tourbières, et annihilant toute vie humaine et animale. Elles ont poussé au nomadisme des hordes d'êtres humains dépourvus de tout, comme les Celtes et plus tard les Sabres, mais les immigrants, venus de lointaines contrées sans doute tout autant dévastées, n'ont bien souvent trouvé que des terres dans un total état de désolation. Baisse du niveau des océans en de nombreux points du monde, le littoral présente des plages qui ont été submergées ou des plages qui ont été surélevées. La marque de l'ancien ressac est visible sur les roches. Certaines plages ont connu une élévation de plusieurs dizaines de mètres ou plus, comme sur la côte du Chili, où Darwin remarqua une montée de 400 mètres, récente, comprise pendant la période où les coquillages rossés sont restés sans se décomposer. Il pensait aussi que l'explication la plus probable était que le niveau de la côte avec ses coquillages entièrement et parfaitement conservés avait été d'un seul coup élevé hors de portée de la mer à la suite d'un tremblement de terre. On trouve aux îles Hawaii une plage hissée à 360 mètres au-dessus du niveau de la mer, et sur l'île d'Espiritu Santo, Nouvelle-Zébride, à l'est de l'Australie, il n'est pas rare de voir des bandes de coraux perchés à la même hauteur. Or, le corail, qui est un animal, ne se développe ni hors de l'eau ni dans les grandes profondeurs, mais se cantonne aux abords de la surface, les bandes de coraux des temps passés, témoignent que la mer s'est tenue à différents niveaux. Mais il est fréquent de relever à un même endroit des signes manifestes de submersion et d'émersion, nous en avons parlé quand il a été question du rocher de Gibraltar. Et c'est aussi le cas, à un moindre degré, pour les grottes sous-marines des Bermudes, elles prouvent qu'à un moment donné le niveau de la mer devait être de 20 à 30 mètres plus bas, qu'aujourd'hui pendant que les plages élevées démontrent qu'il était au moins 7 mètres plus haut qu'à présent, H.B. Mort. Si ces changements datent d'époques différentes, ils ont indéniablement un point commun, l'absence de marques intermédiaires sur le rivage. Si l'eau était montée ou descendue de façon graduelle, elle aurait aussi laissé des traces indélébiles. Dalia signalait qu'un peu partout dans le monde, les lignes de ressac se sont uniformément élevées de 5,50 à 6 mètres. C'est très net aux îles Tutuila, To, Ofu et sur l'atoll Rose, qui font toute partie de l'archipel des Samoa, dans le sud-ouest du Pacifique, mais disséminés sur 320 km de long. Selon lui, cette uniformité indique que la hausse est due à autre chose qu'une déformation de fécorce terrestre. Une poussée de l'intérieur n'aurait pas été aussi constante sur distance de 320 km. Presque aux antipodes, en plein Atlantique Sud, les laves de Sainte-Hélène sont parsemées de grottes marines sèches, dont le sol est recouvert de galets usés par l'eau maintenant poussiéreux, parce que les vagues ne les atteignent plus. Là aussi, l'élévation est de 6 mètres. Au cap de Bonne-Espérance, les grottes et les bancs portent encore les traces d'un rossement récent, sensiblement uniforme, atteignant environ 6 mètres. Dalia ajoute, on rencontre des terrasses marines indiquant une élévation similaire, le long de la côte atlantique, de New York au golfe du Mexique, le long du littoral et de l'Australie sur au moins 1600 km, sur les côtes du Brésil, du sud-ouest de l'Afrique et des multiples îles des océans Pacifique, Atlantique et Indien. Dans tous ces cas, comme dans d'autres qui ont fait l'objet de publications, effet émergence et récenté du même ordre de grandeur. À en juger d'après l'effet état des bancs, des terrasses et des grottes, elles semblent avoir été simultanées sur toutes les côtes. Bien entendu, il constata aussi que de nombreuses lignes de ressac s'étaient déplacées sur une hauteur différente, mais ces exceptions locales confirment la règle. Selon lui, cette élévation mondiale des côtes est une conséquence de l'abaissement récent du niveau de tous les océans et toutes les mers du globe, abaissement qui pourrait avoir été causé parce que l'eau a servi à former les calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland ou bien, pense-t-il aussi, parce que les océans sont devenus plus profonds, ou ont augmenté de superficie. Cunan, de l'université de Leyde, confirma cette thèse, Pendant les quelques 30 années qui ont suivi la publication du premier ouvrage de Dali, beaucoup d'autres exemples ont été signalés par de nombreux observateurs dans le monde entier, de sorte qu'aujourd'hui le changement récent est un fait établi. Quelle que soit la cause de ce phénomène, il n'est pas le résultat d'un lent changement, car nous aurions alors sur chaque plage des tracés littoraux intermédiaires entre les lignes actuelles et les anciennes, plus hautes de 6 mètres, or il n'y en a aucun. L'époque du changement est particulièrement intéressante. Selon Dali, on a tenté de rattacher la croissance des calottes glaciaires à la fin du néolithique, il y a environ 3500 ans. C'est autour de cette date qu'était intervenu un certain refroidissement de l'hémisphère nord, lequel avait été précédé d'une longue période où le climat était plus chaud qu'aujourd'hui. Les hommes de la fin du néolithique vivaient en Europe voilà 3500 ans. D'autre part, Cunan écrit, Dali estime que ce mouvement baisse soudaine du niveau de la mer remonte probablement à 3000 ou 4000 ans. Or, des relevés précis effectués aux Pays-Bas et dans l'est de l'Angleterre ont montré un abaissement eustatique de même ampleur que celui de Dali. Ici, la date a pu être établie à Ely, à 3000 ou 3500 ans. Ce travail aux Pays-Bas et en Angleterre confirme donc les constatations de Dali et aussi ses dates. Le niveau de l'océan a, bien sûr, baissé sur tout le globe. Ce n'était pas un lent affaissement du fond océanique, ni un lent recouvrement des terres par l'eau, ou encore une lente évaporation de l'eau. En tout état de cause, le phénomène a été brusque, et par conséquent catastrophique. Et il a eu lieu voilà 3500 ans, au milieu du deuxième millénaire avant notre ère, la fin de l'âge du bronze moyen en Égypte. La mer du Nord borde l'Écosse, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark et la Norvège, elle est houleuse et son bassin est très jeune. Les géologues admettent que ce périmètre était autrefois occupé par la mer, mais qu'au début de l'âge glaciaire, les débris de roches venues d'Écosse et de Scandinavie l'ont comblé et l'ont transformé en terre ferme. Le Rhin y coulait, avec la Tamise pour affluent, son embouchure se situait vers d'Aberdeen, nord-est de l'Écosse. On pense qu'à l'époque post-glaciaire, lors de la période subboréale, de 2000 à 800 avant J.C. à peu près, l'eau a repris possession d'une grande partie de ce périmètre. L'océan Atlantique est allé baigner les rivages de l'Écosse et de la Norvège, et s'est également faufilé, ou engouffré, par la Manche qui venait tout juste de se former. Des objets fabriqués par l'homme, et des ossements d'animaux vivants sur la terre ferme, ont été ramenés du fond de la mer du Nord, et le long des côtes écossaises et anglaises, ainsi que sur le Doggebank au milieu de la mer, on a trouvé des souches d'arbres encore enracinées dans le sol. À 70 km de la côte, des pêcheurs de Norfolk qui ne pêchaient pas à plus de 36 mètres, ont remonté dans leur filet une pointe de javelot sculptée dans un bois de serre, et encastrée dans un mode de tourbe 419. Cet objet, qui date du Mésolithique, avant le Néolithique, n'est qu'un des multiples exemples, qui prouvent que le périmètre recouvert par la mer du Nord, a été habité par l'homme il y a quelques millénaires seulement. L'analyse des pollens trouvés dans la mode de tourbe ramenée du fond marin, a montré que des forêts y existaient il n'y a pas si longtemps. On a également admis que la formation de la mer du Nord, sur ce périmètre, pendant le subboréal, résultait d'un brusque effondrement du terrain vers 1500 avenue. J.C. ou un peu plus tôt, selon les avis, au moment même où des inondations détruisaient les habitations lacustres d'Europe centrale 420. Si nous considérons que les navires phéniciens visitaient déjà la côte atlantique de l'Europe à l'époque du Moyen Empire égyptien, soit bien avant moins 1500, nous commençons à mieux situer dans l'histoire la catastrophe qui a créé notre actuelle mer du Nord et qui a englouti les terres habitées. Les hommes du Mésolithique et du Néolithique les avaient colonisés, y avaient construit des villages pendant que l'Égypte et la Phénicie étaient déjà entrés dans l'âge du bronze moyen. La mer n'est pas arrivée progressivement, en repoussant peu à peu la population, elle est entrée dans le pays sans préavis, et a lancé ses flots sombres à la recherche de nouvelles barrières. Le Doggebank a peut-être résisté un peu plus longtemps mais en fin de compte, lui aussi a été emporté par la mer. Après une centaine de générations, l'homme a commencé, au prix de grands efforts, à regagner des parcelles de terre, construisant des digues et des canaux de drainage, ce faisant, il a découvert d'immenses charniers contenant des os d'animaux entassés en vrac, où se mêlaient espèces vivantes et disparues, qu'on assignait à l'âge glaciaire. C'est ainsi que dans une couche de sable, de vases, d'argile et de tourbes environ du petit village hollandais de Tegelan, on a trouvé pêle-mêle des restants d'ormes, de frênes et de vignes avec des coquilles d'escargots d'eau douce aujourd'hui disparues, et avec des os d'éléphants, de mammouths, de rhinocéros, d'hippopotames, de cerfs, de chevaux, et custenonies, et de hyènes. Cependant, Janson écrit, l'ouverture de la mer du Nord sur l'océan Atlantique, est donc beaucoup plus récente que la coupure de la Méditerranée aux colonnes d'Hercule, elle coïncide avec l'épanouissement de la civilisation sumérienne en Mésopotamie. Une étude récente défend, région marécageuse en Angleterre, menée par Phi. Godwin de l'université de Cambridge, et où il est surtout question de la vie végétale au cours de la période post-glaciaire, a révélé une transgression générale de la mer pendant la période située entre le néolithique et l'époque romano-britannique, pour laquelle les témoignages sont les plus probants. Cette région marécageuse s'étend sur les comtés de Lincolnshire, Cambridge et Norfolk, au bord du golfe du Wash, mer du Nord. Leur superficie dépasse 5000 km². Eux, la transgression a été interrompue par deux périodes de rétrogression, une à l'âge du bronze et l'autre après le début de l'âge du fer. Au néolithique, tous les arbres sont tombés en direction du nord-ouest, c'était principalement des chênes. On trouva des outils de pierre polie parmi ces arbres. Quelque temps après l'ouragan qui a brisé tous les chênes, une autre calamité est survenue, le pays a été soudainement changé par l'irruption de la mer. En un court laps de temps, toute cette région a été transformée en lagune aux eaux saumâtres, qui par la suite est redevenue une aire d'eau douce. Les outils et armes de bronze abondent dans la tourbe. Le climat s'est dégradé juste après le passage dans l'âge du fer, vers 500 avenue. J.C., d'autres auteurs situent ce Gjimaturi au 8e siècle avenue. J.C., les conditions climatiques sont devenues plus froides et plus humides, et la région totalement inhabitable, on n'y trouve en effet aucune trace datant de l'âge du fer pré-romain, puis la mer a repris sa place, définitivement. Ainsi, selon l'étude de Godouin, entre 2000 et 500 avant notre ère, la plaine marécageuse au nord de Cambridge a été envahie plusieurs fois par la mer du Nord dans des circonstances que nous pouvons qualifier de catastrophiques. Il existe tout autour de l'Angleterre et du pays de Galles d'innombrables forêts submergées, probablement post-glaciaires ou récentes. D'autre part, leur submersion n'a certainement pas eu lieu lors des 2500 années passées. Certaines souches sont encore enracinées sur place. Les forêts submergées existent dans beaucoup d'autres endroits, par exemple près du Groenland et au large de la côte des États-Unis. On a également signalé, mais ici les renseignements sont moins sérieux, des remparts de villes englouties, aperçus sous les eaux de la mer du Nord au large du littoral atlantique, en Méditerranée, tout autour de l'Europe et aussi bien plus loin, sur la côte de Malabar en Inde. Il y a quelques milliers d'années seulement, comme le prouvent les plages surélevées et les forêts submergées, la terre s'est soulevée, et retombée presque aussitôt, et a cédé sa place à la mer.